طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد نعم donc on commence aujourd'hui le cours numéro 8 dans l'explication du sharh de عمدة الأحكام c'est le sharh de Abdullah Al-Bassam qui s'intitule Taysir al-Allam sharh عمدة الأحكام. Juste avant de commencer, j'aimerais juste faire une petite note. C'est que parfois certaines personnes vont se baser sur des traductions des livres, hein, des traductions de hadith, dans les traductions qui ont été publiées des hadiths. Des fois c'est Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Riyad al-Salihin ou d'autres. Et yani, parfois, ils se basent sur les traductions pour yani, essayer d'appliquer les règles de l'islam selon ce qu'ils ont trouvé dans les livres traduits en français ou en anglais ou dans d'autres langues. Et parfois, yani, ils ont des mauvaises compréhensions des hadiths par rapport à la traduction qui parfois elle est mauvaise. Hein? Donc j'ai rencontré des frères, c'est arrivé souvent que certains frères par exemple disaient il faut faire telle ou telle chose, ça c'est dans l'islam, il y a telle affaire, et là moi je leur disais bon, est-ce que vous avez lu une preuve sur ça, est-ce que vous avez lu ça dans un hadith? Ils ont dit oui, on a lu ça dans un hadith. J'ai dit ok, ramenez-moi le hadith. Donc les frères ils me ramènent le hadith, là je regarde le hadith, ils me disent le hadith en français. C'est ok, ça c'est le hadith en français. Maintenant, est-ce que vous avez l'original en arabe, le hadith en arabe? Et là, yani, parfois ils ne le connaissent pas. Donc des fois, tu vois, ils ramènent le livre. Là, on cherche par rapport au numéro. Bon, c'est tel numéro de hadith dans tel chapitre. Donc on retourne dans le livre en arabe, l'original, avec les numéros et les hadiths et tout, et là on regarde les vrais termes qui ont été employés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith pour parler de ce sujet là et c'est là qu'on constate que le traducteur du livre a fait des erreurs, il a mal traduit le hadith, et à cause de ça la personne elle a commencé à défendre ou prendre une position par rapport à quelque chose dans la religion, alors que c'est quelque chose qui est totalement incorrect. Et tu vois, parfois des frères ils se disputent justement par rapport à ça parce qu'ils basent leur compréhension sur une traduction qui est déjà à la base mal faite. L'interprétation de l'islam, que ce soit le Coran ou la Sunna ou les paroles des ulama, ça ne doit pas être faite à partir des traductions et des livres qui ont été traduits, que ce soit des paroles de ulama ou des versets ou des hadiths. La clarification de ces sujets-là doivent être faites dans les textes originaux en arabe. Et ça, c'est même si c'est une bonne traduction. Même si c'est une bonne traduction, la traduction doit pas être prise comme une référence absolue. La traduction doit être prise uniquement comme un aide pour t'aider à comprendre quelque chose. Mais ça doit pas être pris comme étant la référence par rapport à la religion. Sinon, tu risques de tomber dans beaucoup d'erreurs de compréhension. Hein? Et surtout dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et surtout dans le Coran et dans les hadiths en même temps, les deux. Donc, c'est juste une chose que je voulais mentionner et rappeler. Yani, donc, moi, je me rappelle au début, quand j'étais converti, puis que je lisais, yani, j'avais deux livres. J'avais Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Ok, et c'est quand j'avais une question, quand j'avais quelque chose que je voulais savoir comment faire quelque chose dans l'adoration, dans la religion, je me référais toujours à Al-Bukhari et Muslim, hein, les hadiths authentiques. Mais quand j'ai commencé à apprendre l'arabe, que j'ai su l'arabe, que j'ai acheté Al-Bukhari en arabe et Sahih Muslim en arabe, l'original, c'est comme si j'ai dû tout réapprendre à zéro, tout ce que j'avais entendu ou appris de ces traductions-là. Pourquoi? Parce que tu réalises à la fin que tu ne connais pas réellement les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam tant que tu n'as pas appris les paroles en arabe. Tu n'as pas vraiment appris les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toute la religion, le fiqh, l'aqida, le manhaj, tout est basé sur les termes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a employés dans la sunna. Et tu ne peux pas te baser sur des traductions pour comprendre la réalité de ces termes-là. Tu vois, toutes les traductions, même si c'est des bonnes traductions, c'est seulement approximatif. Hein. Ça te donne le sens général, mais des fois, c'est-à-dire si tu veux vraiment comprendre les détails, il faut que tu ailles dans l'original. Et c'est pour ça, qu'est-ce qui est intéressant dans les livres, quand tu regardes les charhs, le charh, c'est que les ulama, tu réalises que les ulama, ils ont clarifié la signification des mots qui sont difficiles en arabe, tu vois. Parce que même pour un arabe, dans les hadiths et dans les versets du Coran, il y a beaucoup de mots qu'un arabe va lire, un arabe d'aujourd'hui, là, moyen, qui n'a pas étudié la religion, mais qui connaît la langue arabe, il va lire un hadith, il y a des choses dans le hadith, il va lire, il ne va pas comprendre, tu vois, du premier coup. Il a besoin de quelqu'un pour lui expliquer ces hadiths-là. Donc les livres qu'on a comme les shuruh de hadith et les tafsirs du Coran, ça n'a pas été écrit pour des gens ignorants. Ça a été écrit pour des savants, pour des ulama, pour des gens pour des gens qui veulent apprendre, pour des tulab ilm, hein, pour que eux comprennent et sachent la définition des termes, des mots. Et c'est pour ça que tu vois que dans ce charh, par exemple, qu'est-ce qui est bien, c'est que chaque hadith qui est mentionné, s'il y a des termes qui sont employés, eh bien, ils sont expliqués. Si c'est pas des termes qui sont très habituels ou très connus, il y a la définition. Il y a des ulama qui ont écrit comme des genres de dictionnaires de mots qui sont moins courants dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y en a plusieurs livres de ce genre là il y en a un en particulier, c'est comme un genre de dictionnaire, j'ai oublié comment il s'appelle, hein, non il est gros, c'est un gros volume, en tout cas je ne me rappelle plus maintenant, mais sinon c'est pour dire que s'il y a un mot que tu lis dans un hadith que tu ne comprends pas ou que tu ne connais pas, tous les termes sont mentionnés en ordre alphabétique et tu retournes dans ce livre-là, puis il t'explique le mot difficile, yani, dans ce livre-là. Donc c'est très très intéressant. Puis yani, c'est pour dire que l'étude de la charia, l'étude du fiqh, l'étude du tafsir, l'étude de la aqida, tout ça doit se faire à la base en arabe. Et c'est pour ça qu'on lit toujours les livres, on lit l'arabe en premier. Puis après, on explique, on traduit en français. S'il y a des difficultés à comprendre certains termes en arabe, on les explique. Puis on essaie de faire comprendre en français la subtilité qui est derrière ce mot-là pour que la compréhension soit plus claire, inshallah. Donc on est arrivé au hadith numéro 11 dans le livre. Pardon, le hadith numéro 12. Parce qu'on a fait au dernier cours, on a terminé avec le hadith qui est le dua à dire avant d'entrer dans les toilettes. Donc aujourd'hui on commence donc avec le hadith numéro 12. An Abi Ayyub ibn al-Ansari radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: "Idha ataytum al-gha'it فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا ولكن شرقوا وغربوا. Donc c'est ça, hein. On était rendu là, hein. Donc c'est ça. C'est rapporté selon Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu que le messager qu'il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque vous arrivez à l'endroit pour faire vos besoins, ne vous tournez pas en direction de la Qibla, que ce soit pour faire vos besoins, c'est-à-dire vous allez faire par exemple uriner, ou faire vos besoins, c'est-à-dire des excréments ou l'urine, peu importe les deux, lequel des deux vous faites, vous ne vous tournez pas vers, en face de la Qibla, et vous ne faites pas non plus, vous ne mettez pas votre dos à la Qibla non plus, mais vous vous tournez soit à l'est ou à l'ouest, c'est-à-dire vers l'est ou vers l'ouest. Parce que Médine, c'est au nord de la Mecque. Médine, c'est au nord de la Mecque. Donc, ceux qui sont à Médine, pour eux, la Mecque, c'est au sud. Donc, ils ne doivent pas se tourner vers le sud ni vers le nord pour faire leurs besoins. Ils doivent se tourner vers l'est ou vers l'ouest pour être en perpendiculaire avec la Kaaba, avec la Qibla. Et comme on va le voir plus tard, si tu n'habites pas dans une ville qui est au nord ou au sud, mais que tu habites par exemple à l'est ou à l'ouest de la Kaaba, dans ce cas-là, tu dois te tourner vers le nord ou vers le sud, hein, puisque tu n'es pas dans le même endroit. Naam. Premièrement, on va commencer par expliquer Abu Ayyub al-Ansari. Bon, déjà ici, il dit ensuite: قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. C'est-à-dire, Abu Ayyub al-Ansari, il dit: nous sommes arrivés vers la région de Al-Sham. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui la région du Sham? C'est la Syrie, le Liban, la Palestine, la Jordanie, une partie de la Syrie, une partie de... toute cette région-là, ça s'appelle Al-Sham. Ok? Et il dit à Abu Ayyub que lorsqu'on est arrivé dans la région du Sham, on a trouvé des toilettes construites dans la direction de la Kaaba. Alors, il dit, qu'est-ce qu'on faisait? On se tournait un petit peu dans l'autre sens, puis on demandait pardon à Allah. C'est-à-dire, on se tournait pas, on s'assoyait pas dans le même sens que la toilette. On se tournait un peu. Et on demandait pardon à Allah. Donc, ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Oui, c'est ça. Donc, Abu Ayyub al-Ansari, c'est qui? اسمه خالد بن زيد بن كليب الأنصاري من كبار الصحابة نزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة وتوفي بالروم غازيا سنة 50 هجريا وقيل بعدها ودفن عند القسطنطينية. Donc Abu Ayyub al-Ansari, son nom c'est quoi? Son nom c'est Khalid ibn Zayd. Khalid ibn Zayd, sa kunya c'est Abu Ayyub. Et on l'appelle Al-Ansari parce qu'il fait partie des habitants de Médine. Hein? Donc, tous ceux qui sont des habitants de Médine parmi les Ansar, on les appelle Al-Ansari. Hein? Et il fait partie des... donc son nom c'est Khalid ibn Zayd ibn Kulayb Al-Ansari. Il est parmi les grands, parmi les Sahaba. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, au début, à Médine, il est allé habiter chez Abu Ayyub al-Ansari. C'est chez lui qu'il est resté au début. Et Abu Ayyub al-Ansari est mort chez les Birroum, donc à Rome, à Rome ou bien dans la région, yani, près de la région des Romains, en terre des Romains. Et il est mort en l'an 50, et on dit que c'était un petit peu après l'an 50. Et il a été enterré dans la bataille qu'on appelle Al-Qostantiniyya, quand il combattait contre Constantinople, la ville qui s'appelait à l'époque Constantinople, qui s'appelle aujourd'hui Istanbul, qui est la capitale de la Turquie. La capitale de la Turquie à l'époque s'appelait Constantinople. En fait, c'est la ville de Constantin, l'empereur romain. Constantin, on l'appelait par son nom, puis après elle a été rebaptisée Istanbul. Naam. D'accord. Donc qu'est-ce qu'il, donc comme on a expliqué dans ce hadith, ça dit, les mots qui sont employés dans ce hadith qui sont un petit peu plus compliqués, al-ra'it. Qu'est-ce que ça veut dire al-ra'it? الغائط المطمئن من الأرض كانوا كانوا ينتابونه لقضاء الحاجة فكانوا به عن الحدث نفسه يعني كراهية لذكره باسمه الخاص. صدق الغائط. C'est un endroit de la terre qui est un peu creusé, tu vois, un peu écrasé. Et les Arabes ont appelé la toilette, ou bien les endroits ont appelé al-ra'it, yani l'excrément qui sort lorsque quelqu'un fait ses besoins, ils l'ont appelé ra'it. Et la raison pourquoi ils l'ont appelé l'excrément ra'it, c'est parce qu'ils voulaient pas mentionner le mot lui-même, tu vois. Donc au lieu de dire, par exemple en français on dit le caca ou l'excrément, donc ils veulent pas mentionner ce mot-là, alors au lieu de l'appeler comme ça, ils l'appellent par le mot de l'endroit. Où est-ce que tu fais tes besoins? Donc il a appelé Ra'it. D'accord? Et il y a un autre mot aussi qui est utilisé pour ça, c'est le mot Mirhad. Le pluriel c'est Marahid. Al-Marahid. Et le pluriel, le singulier c'est Mirhad. Et la même chose pour le mot Mirhad, c'est Hu al-Mughtasal. C'est l'endroit où tu te laves. وقد كانوا به ايضا عن يعني وكانوا به ايضا كانوا يعني من الكنايه صدق quand ils veulent pas dire quelque chose يعني directement par pudeur ou bien parce que le mot est laid ou bien c'est parce que quelque chose que c'est laid lui-même, ils le disent pas, ils utilisent un autre mot pour l'appeler à sa place. Ok, donc ils l'ont appelé Mirhad au lieu d'appeler la place par rapport à qu'est-ce qu'on fait dedans. Après l'autre terme qui est expliqué aussi, c'est walakin sharriqu aw gharribu ay ittajihu nahwa al-mashriqi aw al-maghrib, c'est-à-dire dans le hadith c'est écrit tournez-vous vers l'Orient ou vers l'Occident, c'est-à-dire vers l'Est ou vers l'Ouest. Le cheikh il explique, il dit hada bi-nisbati li ahli al-Madina fi samtihim mimman la yastaqbiluna al-qibla wa la yastadbirunaha idha sharraqu aw gharrabu. Donc c'est comme je disais tout à l'heure, étant donné qu'ils sont au nord de la Mecque, ils doivent se tourner soit vers l'Est ou vers l'Ouest, tandis que s'ils habitent à l'Ouest ou à l'Est de la Kaaba, eh bien ils doivent se tourner soit vers le nord ou vers le sud, pour pas se tourner vers la Kaaba. Et puis ici, En fait, ici, dans l'immeuble ici, c'est correct parce que la Qibla, elle est comme ça et les toilettes sont dans l'autre sens. Donc, c'est parfait. On n'a pas besoin de se tourner un petit peu pour que ce soit pas dans la direction de la Qibla. C'est déjà correct. Après, le sens général du hadith. Le Cheikh il dit يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء من آداب قضاء الحاجة بأن لا يستقبل القبلة وهي الكعبة المشرفة ولا يستدبروها حال قضاء الحاجة لأنها قبلة الصلاة وموضع التكريم والتقديس وعليهم أن ينحرفوا عنها قبل المشرق أو المغرب إذا كان التشريق أو الترغيب أو التغريب أو الترغيب يعني أو التغريب ليس موجها إليها كقبلة أهل المدينة ولما كان الصحابة رضي الله عنهم أسرع الناس قبولا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو الحق ذكر أبو أيوب أنهم لما قدموا الشام إثر الفتح وجدوا فيها المراحيض المعدة لقضاء الحاجة وقد بنيت متجهة إلى الكعبة فكانوا ينحرفون عن القبلة ولكن قد يقع منهم السهو فيستقبلون الكعبة فإذا فطنوا انحرفوا عنها وسألوا الله الغفران عن عما badara minhum sahwan. Donc qu'est-ce qu'il explique le cheikh? Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a orienté ou indiqué que on doit lorsqu'on fait nos besoins, il nous explique les manières dont on doit procéder lorsqu'on va faire nos besoins, c'est de ne pas se tourner vers la Qibla. Et yani c'est-à-dire al-Ka'ba al-Musharrafa. Yani il y a des koufars qui se moquaient de ça. Il y a des koufars qui se moquaient de ce hadith-là ou de ce genre de hadith. Hein, ils disaient, est-ce que quand tu vas aller aux toilettes, tu vas amener une boussole hein, pour savoir dans quelle direction tu vas te tourner pour aller aux toilettes. Pourquoi? Parce que, en fait, ceux qui disaient ça, c'était des koufars de la France. Et en France, en fait, je pense que la raison pourquoi ils savent jamais où est-ce qu'ils sont, c'est-à-dire ils savent jamais s'orienter, surtout dans les grandes villes comme Paris, des trucs comme ça, ils ne savent jamais s'orienter. Pourquoi? Parce que leur ville n'est pas construite de façon, c'est-à-dire selon les points cardinaux. Là-bas, les rues vont dans tous les sens. Et il y a des endroits aussi dans d'autres villes dans le monde qui sont comme ça aussi. Les rues n'ont pas un sens, il n'y a pas comme nord, sud, est, ouest, non, c'est comme dans pêle-mêle, dans toutes les directions. Donc, si tu es quelque part, dans un quartier, les rues vont dans un sens ou dans l'autre, tu ne sais pas vraiment, est-ce que tu te diriges vers l'est ou vers l'ouest ou vers le nord ou vers le sud. Tandis qu'ici, en général, les rues sont presque toutes nord, sud, est, ouest, ici. Donc nous, quand on veut s'orienter, on dit, par exemple, Jean Talon Sud, Jean Talon Est, Jean Talon Ouest, par exemple, on va dire Puy-Neuf, on va dire direction Nord, direction Sud, hein, on va dire Métropolitain, on sait que Métropolitain c'est Est-Ouest. Donc pourquoi? Donc nous, peu importe où on est à Montréal, on va dire par exemple, ok, tu vas aller, quand tu arrives à tel coin, Queen Mary et Descaries, va-t'en vers l'ouest, va-t'en vers l'est. On peut tout de suite savoir de quel côté on doit se tourner. Mais là-bas, non. Si tu donnes les directions à quelqu'un à Paris, tu dis, quand tu arrives à telle rue, va vers l'est, ou va vers l'ouest, ou après tu vas aller. C'est ça, exactement. Des fois, il y a des ronds-points. Ici, il n'y a presque pas de ronds-points. Tu ne vas pas trouver des ronds-points. Donc... Donc, c'est ça. Donc là-bas, c'est plus compliqué peut-être pour eux. C'est-à-dire pour un musulman, par contre, c'est sûr qu'une fois qu'il habite quelque part, il prend ses points de repère, là il sait par exemple telle direction, quand je suis chez moi je prie dans telle direction, la qibla est par là, il peut vérifier avec la boussole, donc après il le sait, il n'a plus de problème. Mais s'il s'en va ailleurs par contre, il ne veut pas le savoir, tu vois. Donc c'est pour ça que ici on a moins de problèmes par rapport à ça. Une fois qu'on sait, moi à Montréal, la plupart des endroits où je vais à Montréal, juste à regarder les rues, je sais déjà dans quelle direction je dois me tourner pour faire la salade. j'ai pas besoin de boussole. Hein. Donc pour les toilettes, c'est la même chose. On sait à peu près la direction de la qibla, donc on regarde à l'intérieur de la toilette, est-ce que c'est la direction par là ou par là. On sait que si c'est dans le sens de nord-sud ou est-ouest, ben on doit pas se tourner vers est-ouest. Hein. Ou bien si des fois c'est pas nord-sud, est-ouest exact, des fois la qibla est nord-est, comme ici c'est nord-est, c'est pas nord direct. Ou est direct, non, c'est nord-est entre les deux. Donc la même chose pour la toilette, ça va pas être non, dans les pays musulmans, les gens, en principe, les ingénieurs ou les gens qui ont créé la ville, ils auraient dû, en tout cas s'ils l'ont pas fait, ils auraient dû le faire. Dessiner les plans de la ville et des mosquées et des maisons et des toilettes en conséquence. C'est-à-dire que les urbanistes ou les gens qui dessinent le plan des villes, ouais, et même les architectes, quand ils dessinent les plans des maisons et tout ça, ils doivent dessiner ça en tenant compte de la direction de la qibla et tout et tout. Et on voit qu'en même temps, ça fait qu'il y a un ordre dans la société, dans la ville, dans les plans, dans les choses, la façon dont les musulmans font leur ville et tout, tout est structuré, tu vois. Donc c'est parce que tout est basé sur l'adoration et le naam, la salat et tout. Donc c'est ça. Naam. Donc ça c'était juste un petit point en passant. Après qu'est-ce qu'il dit? Et il dit وهي الكعبة المشرفة ولا يستدبرها حال قضاء الحاجة لأنها قبلة الصلاة. Donc il ne doit pas se tourner vers la qibla lorsqu'il va faire ses besoins. Pourquoi? Parce que c'est une direction noble, hein, et sainte. Donc on ne doit pas, par respect, se tourner vers la qibla lorsqu'on fait nos besoins. On doit se tourner dans le sens et un hyperpendiculaire. Et il dit, dans le hadith, c'est mentionné de se tourner vers l'est ou vers l'ouest. Ça, c'est pour ceux qui habitent au nord ou au sud. Mais si quelqu'un, par exemple, il habite dans une autre, comme à l'est ou à l'ouest, eh bien, c'est pas la même chose. Ou bien au nord-sud ou au nord, au nord-est ou au nord-ouest ou au sud. Au sud-est ou au sud-ouest, bon, selon la règle. Et il dit ensuite, وَلَمَّا كَانَ الصَّحَابَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْرَعُ النَّاسِ قَبُولًا. Donc, étant donné que les Sahaba, c'était des gens qui acceptaient rapidement, hein, lorsque l'ordre leur venait du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils acceptaient la vérité rapidement, eh bien, Abu Ayyub al-Ansari a mentionné qu'ils sont arrivés lorsqu'ils ont conquis la Rome, ou bien la région qui était occupée par les Romains, dans Hacham. Ils sont arrivés, ils ont trouvé qu'il y avait des toilettes qui étaient construites pour faire leurs besoins et qui se dirigeaient vers la direction de la Kaaba. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se tournaient un petit peu. Hein, ils se tournaient dans l'autre sens pour faire leurs besoins. Et si par exemple, par oubli ou par erreur, ils avaient oublié de se tourner, eh bien, ils demandaient pardon à Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir oublié. Il dit wa mimma yu'khadhu min al-hadith an-nahyu 'an istiqbal al-qibla wa istidbarha hal qada' al-haja. Donc ça c'est le premier point. Il y a 5 points par rapport à ce hadith. Qu'est-ce qu'on peut prendre de points bénéfiques par rapport à ce hadith? Le premier point, l'interdiction de se tourner ou de faire dos à la Qibla lorsqu'on fait nos besoins ou lorsqu'on va pour uriner. Ça, c'est le premier point. L'interdiction de se tourner ou de faire dos à la Qibla. Le deuxième point, الأمر بالانحراف عن القبلة في تلك الحال. C'est-à-dire l'ordre de se détourner de la Qibla lorsqu'on est dans cet état, dans cet état-là, de pas être dans la direction de la Qibla. الأمر الثالث, le point numéro 3, إن أوامر الشارع ونواهيه تكون عامة لجميع الأمة وهذا هو الأصل. قد تكون خاصة لبعض الأمة ومنها هذا الأمر فإن قوله ولكن شرقوا أو غربوا هو أمر بالنسبة لأهل المدينة وهو ومن هو في جهتهم ممن إذا شرقوا أو غربوا لا يستقبلون القبلة. Donc le cheikh il dit que les ordres de du législateur, c'est-à-dire d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ses interdictions, de façon en général, elles sont pour toute la Ummah. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala ordonne quelque chose, yarhamukallah, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala ou le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ont interdit quelque chose, c'est pour toute la Ummah. Sauf si, ça c'est la base, sauf si il y a parfois des ordres qui sont spécifiques à certaines parties de la Ummah. Et ce hadith fait partie de cette catégorie-là. Puisque dans le hadith, il dit, mais tournez-vous à l'est ou à l'ouest. Et il dit, cet ordre-là est particulier aux gens qui habitent à un endroit où ils ont la même direction de la Qibla que ceux qui habitent à Médine. Hein? Donc si quelqu'un habite dans un endroit où la Qibla c'est la même que la Qibla de Médine, ou bien que c'est nord-sud la Qibla pour eux, eh bien dans ce cas-là, ils doivent se tourner à l'est ou à l'ouest pour ne pas y aller faire leurs besoins en direction de la Qibla. Donc ceux qui habitent par exemple au Yémen, eux, ils sont au sud de la Qibla. Donc pour se tourner vers la Qibla, ils doivent se tourner vers le nord. Ceux qui habitent en Syrie, pour se tourner vers la Qibla, ils se tournent vers le sud, comme les habitants de Médine. Donc quand ils vont faire leurs besoins, ils vont se tourner vers l'est ou vers l'ouest. Mais si quelqu'un habite, par exemple, en Irak, ou bien au Maroc, hein, ou en Égypte, eh bien, quand il va faire ses besoins, il se tourne vers le nord ou le sud. Il ne faut pas faire face ou tourner le dos. Il faut faire sur le côté. Exactement. Et ensuite, le point numéro 4. Al-hikmatu fi dhalika ta'zimu al-ka'ba al-musharrafa wa ihtiramuha. فقد جاء في الحديث في حديث مرفوع إذا أتى أحدكم البراز فليكرم قبلة الله ولا يستقبل القبلة. Le but dans cet ordre, c'est de respecter la Qibla, la Kaaba, hein, et de lui montrer du respect et de l'honorer. Parce que c'est mentionné dans un hadith qui est authentique, ou bien plutôt, le terme qui est employé ici, c'est que le hadith est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il aurait dit, si, lorsque l'un d'entre vous va à la toilette, qu'il honore la Qibla d'Allah et qu'il ne se tourne pas vers la Qibla. Donc ça c'est le point numéro 4. Le point numéro 5, Al-Muradu bil-istighfari huna, al-istighfaru al-qalbi la al-lisani, li'anna zikra Allah bil-lisan في حال كشف العورة وقضاء الحاجة ممنوع. Donc le cheikh il dit comme point numéro 5, qu'est-ce qu'on veut dire ici par al-istighfar? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah. Il dit qu'est-ce qu'on veut dire ici par al-istighfar? On parle de yani demander le pardon yani par le cœur et non pas par la langue. Il dit parce que le rappel d'Allah par la langue dans l'état lorsque tu as découvert ta aura, tes parties intimes ne sont pas couvertes, ou bien au moment où tu es en train de faire tes besoins, c'est pas permis de faire le rappel d'Allah à ce moment-là. C'est pas permis de faire le rappel d'Allah à ce moment-là. Oui, le cheikh il dit oui, c'est ça. Quand ta aura est découverte, hein, tes parties intimes sont découvertes, et quand tu fais tes besoins, c'est pas permis de faire le rappel d'Allah dans ces moments-là. Tayyib. Donc on a terminé le hadith numéro 12. Donc on va faire maintenant le hadith numéro 13. Oui. Le cinquième point, c'est l'istighfar, c'est par le cœur et non par la langue. Demander pardon, c'est par le cœur et non pas par la langue, parce que le rappel d'Allah par la langue, lorsque ta aura est découverte et lorsque tu fais tes besoins, c'est quelque chose qui n'est pas permis. Juste un point qu'on va expliquer ici maintenant par rapport à cette question-là, parce qu'il y a plusieurs hadiths. Le hadith numéro 13, c'est le suivant. C'est à partir du même sujet. Et l'autre après aussi. Non, c'est seulement. Oui, c'est ça. C'est le hadith qu'on a lu, le hadith numéro 12 et le numéro 13. Ça va, Hassan? Alhamdulillah. Barakallahu fiq, masha'Allah. Donc, c'est le hadith numéro 13 maintenant, an Abdullah ibn Omar ibn Khattab, radiallahu anhuma. قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة رواه البخاري ومسلم. Qu'est-ce qu'il explique maintenant? Le hadith numéro 13, c'est rapporté selon Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab radiallahu anhuma. Il dit: un jour je suis monté sur le toit de la maison de Hafsa. Hafsa c'est qui? C'est sa sœur. Parce que Abdullah ibn Omar c'est le fils de Omar, puis Hafsa c'est la fille de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Donc Hafsa était l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est allé chez sa sœur qui est Umm al-Mu'minin, la mère des croyants, et il dit: quand je suis monté sur le toit de la maison de Hafsa et j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui faisait ses besoins et qui se tournait en direction de la Syrie, en direction du nord, et qui avait le dos à la Kaaba. Son dos était tourné vers la Kaaba. Ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc ça fait partie des hadiths qui sont rapportés à ce sujet-là, et qui va en contradiction avec le premier hadith qu'on a mentionné. Donc qu'est-ce qu'il dit, le cheikh? Il explique, il dit « Al-ma'na al-ijmali, ذكر ابن عمر رضي الله عنهما أنه جاء يوما إلى بيت أخته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته وهو متجه نحو الشام مستدبر القبلة. Donc c'est ça. Il est allé chez sa sœur. Il a vu, sa sœur qui était l'épouse du prophète صلى الله عليه وسلم. Il a vu le prophète صلى الله عليه وسلم tourné vers Hasham et le dos à la Qibla. Bon, là on va parler maintenant de la divergence des ulama par rapport à ces hadiths-là. اختلف العلماء في حكم استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة. فذهب إلى التحريم يعني avant de lire la parole de Cheikh Abdullah Al-Bassam sur ça, je pense que je vais retourner à l'explication de Cheikh Ahmed Al-Najmi dans son charh de Amdatul Ahkam qui s'intitule تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام. Donc ça c'est son charh de Amdatul Ahkam. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est expliqué de façon un peu plus simple pour commencer. Après on y retournera au charh de Cheikh Abdullah Al-Bassam. Donc Cheikh Ahmed Al-Najmi il dit تحريم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط لأنه يعني يؤخذ من الحديث أولا تحريم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط لأنه الأصل في المنهيات إلا أن النهي هنا معارض بحديث ابن عمر الآتي وحديث جابر عند أبي داود والترمذي وابن ماجه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها حسنه الترمذي وصححه ابن السكن وغيره ولهذا اختلف الناس في حكم استقبال والاستدبار على ثمانية أقوال. Le cheikh il dit qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith? Premièrement, l'interdiction de se tourner vers la Qibla ou de faire dos à la Qibla, soit pour uriner ou pour faire ses besoins. Et la base dans ça, c'est que l'interdiction implique ça c'est la base. Ça fait partie des interdictions. Sauf que ici, l'interdiction a été opposée, elle est en opposition avec un autre hadith, qui est le hadith de Ibn Omar, qu'on va mentionner après. C'est le hadith qu'on a lu, le hadith 13. Et le hadith de Jabir, qui est dans Abu Dawud et At-Tirmidhi et Ibn Majah, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de se tourner vers la Qibla pour uriner, et je l'ai vu avant sa mort, un an avant sa mort, qui se tournait vers la Qibla pour uriner. Donc ça c'est déclaré Hassan par At-Tirmidhi et Ibn Sakan et d'autres également l'ont déclaré Sahih. Le cheikh il dit, les ulama ont divergé en 8 positions différentes par rapport au fait de se tourner vers la Qibla ou de faire dos à la Qibla. Donc il y a divergence là-dessus. Hein? Ça fait partie des questions au sujet desquelles il y a divergence. Il dit ومرجع هذه الأقوال إلى ثلاثة. La référence dans ces 8 différentes positions là, elles reviennent à 3 raisons ou à 3 causes. أحدها النسخ، الثاني الجمع، والثالث التخصيص. Donc les ulama ont expliqué ces divergences là de 3 façons. La première explication c'est l'abrogation. Ils ont dit un hadith est venu abroger l'autre. Ok, ça c'est la première explication qu'ils ont donnée. Le deuxième, al-jama, c'est-à-dire ils ont essayé de concilier les deux hadiths. Le premier qui interdit de se tourner et de faire dos à la Qibla, puis les autres hadiths qui mentionnent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parfois on l'a vu en train de faire ses besoins et il était tourné soit vers la Qibla ou il faisait dos à la Qibla. Donc ils essaient de réconcilier ces hadiths-là. Et on va voir comment ils font pour réconcilier, comment ils essaient de réconcilier ces hadiths-là. La troisième explication qu'ils ont mentionnée, c'est at-tarsis, c'est-à-dire de dire que une des deux versions du hadith ou un des deux hadiths restreint l'autre ou limite l'application de l'autre ou vient expliquer l'autre. والقائلون بالنسخ اختلفوا. Donc ceux qui disent que l'explication pour régler cette apparente opposition là c'est de mentionner l'abrogation, c'est-à-dire de dire que un de ces hadiths là a abrogé l'autre. Donc le cheikh il dit فَمِنْهُمْ مَنْ رَأَ النَّسْخ فِي السَّحَرَى وَالْبُنْيَان وَهُمْ عُرْوَ ابن الزبير وَرَبِيعَ شيخ مالك وداود الظاهري. Donc parmi les savants, ceux qui ont vu qu'il fallait se baser sur l'explication qui est de dire qu'un des deux est abrogé, un des deux ordres est abrogé dans les déserts et dans les endroits où il y a des maisons, hein, que ce soit dans le désert ou dans les maisons, tu dois ne pas te tourner vers la Qibla ou faire dos à la Qibla. Eh bien, ceux qui ont dit ça, c'est Urwa ibn Zubayr et le cheikh de l'imam Malik, qui était un des chouyoukhs de l'imam Malik, qui était Rabi'a, et également Daoud al-Zahiri. Daoud al-Zahiri, qui était un des ulama de fiqh, qui a son propre madhab aussi, le madhab al-Zahiri. Ensuite, il dit « وَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى النَّسْخ فِي الْبُنْيَانِ دُونَ السَّحَارَ وَهُمْ مَالِكْ وَالشَّافِعِ وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدْ وَنَسَبَهُ فِي الْفَتْحِ إِلَى الْجُمْهُورِ وَقَالَ هُوَ أَعْدَلُ الْأَقْوَالِ لِإِعْمَالِهِ جَمِيعُ الْأَدِلَّةِ وَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى النَّسْخ فِي الْبُنْيَانِ مُقَيَّدًا بِالِاسْتِدْبَارِ دُونَ الْاسْتِقْبَالِ وَهُوَ مَرْوِيٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ. Donc, qu'est-ce qu'il dit ensuite là, par rapport à An-Nasr, à l'abrogation? Il y en a parmi les ulama qui considèrent que c'est abrogé dans les bâtiments et non pas dans les déserts, dans l'endroit désert dehors. C'est-à-dire que si tu fais ton besoin dans une maison, c'est abrogé, c'est-à-dire que c'est pas interdit de se tourner face à la Qibla ou de faire dos à la Qibla. Mais si tu es dans un endroit désert dehors, que tu fais tes besoins dehors, dans ce cas-là, ce n'est pas abrogé. Tu dois ne pas te tourner vers la Qibla ou faire dos à la Qibla. Ça, c'est. Les ulama qui disent ça, c'est l'imam Malik, Al-Shafi'i, et une des narrations de l'imam Ahmad. Ok? Et dans Fath al-Bari, Ibn Hajar, il mentionne que cette position-là, c'est la position de la majorité des ulama. Et il dit que c'est la position la plus juste, parce qu'elle applique toutes les preuves, parce qu'elle tient compte de toutes les preuves. D'accord? Et il dit ensuite, وَمِنْهُمْ مَنْ رَأَ النَّسْخ فِي الْبُنْيَانِ مُقَيَّدًا بِالْاِسْتِدْبَارِ دُونَ الْاِسْتِقْبَالِ وَهُوَ مَرْوِيٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ. Et parmi les savants qui ont parlé du nasr, qui ont parlé de l'abrogation, ils disent, parmi eux, il y en a qui disent que c'est abrogé dans les maisons, c'est-à-dire tu peux te tourner en direction ou dos, soit faire face ou faire dos à la. En fait, eux, qu'est-ce qu'ils disent en particulier ici? Pour que ce soit clair, c'est que eux ils disent le nasr aussi, comme ceux qu'on a mentionnés avant, sauf qu'ils disent que c'est spécifique à qu'est-ce qui est fait à l'intérieur des bâtiments, à l'intérieur des maisons, mais seulement qu'est-ce qui est permis, c'est seulement de faire dos à la Qibla et non pas de faire face à la Qibla lorsque tu fais tes besoins. Ça c'est la troisième. Ça, c'est la troisième position de ceux qui voient An-Nasr. Donc, je vais les répéter pour que ce soit clair. Ça, tu vas comprendre. Et ça, c'est rapporté selon Abi Yusuf. Abi Yusuf, c'est un des deux grands élèves de Abu Hanifa. Ok? Abu Yusuf. C'est un des grands élèves de Abu Hanifa. C'est lui qui a transmis son madhab avec un autre de ses élèves aussi. Ok, donc on répète, pour le Nasr, il y a trois positions pour ceux qui considèrent qu'il y a un hadith qui est venu abroger l'interdiction de se tourner vers la Qibla ou de faire dos à la Qibla. La première position, c'est ceux qui disent que c'est abrogé dans le désert et à l'intérieur des bâtiments. Donc, que tu sois à l'intérieur d'un bâtiment ou dehors, tu as le droit de te tourner ou de faire dos à la Qibla. que l'interdiction c'était au début, puis qu'après ça a été permis. Ça c'est la position de Urwa ibn Zubayr, Rabi'a, le cheikh de l'imam Malik, ou un des cheikhs de l'imam Malik, et Daoud al-Zahiri. Donc pour eux, tu peux te tourner ou faire dos à la Qibla, peu importe où tu es, dehors ou à l'intérieur. Deuxième position, ou deuxième position parmi ceux qui disent qu'il y a l'abrogation, c'est ceux qui disent que c'est permis dans les bâtiments, à l'intérieur des bâtiments, mais c'est pas permis dehors. C'est-à-dire que quand tu es dehors, tu peux pas te tourner, faire face à la Qibla ou bien faire dos à la Qibla quand tu es dehors, seulement à l'intérieur des bâtiments. Et ça c'est la position de Malik, de l'imam Shafi'i, et c'est une des positions de l'imam Ahmad. Et comme on a dit, c'est considéré par l'imam Ibn Hajar comme étant la plus juste de différentes paroles, et qu'elle s'est considérée qu'elle tient compte de toutes les preuves. Elle tient compte de toutes les preuves. Ibn Hajar al-Asqalani dans Al-Fath. Quand on dit Al-Fath, c'est Fath al-Bari. Et parmi les ulama, il y en a qui considèrent que le nasr, c'est uniquement dans le fait de faire dos. C'est-à-dire que tu as seulement le droit de faire dos à la Qibla à l'intérieur des bâtiments. Ils considèrent qu'à l'intérieur, c'est permis parce qu'ils ont vu que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand Ibn Omar est monté sur le toit, il a vu que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fait ses besoins. Il avait le dos à la Qibla. Donc, ils ont dit, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait le dos à la Qibla, ça veut dire que à l'intérieur des bâtiments, c'est permis. Non, ça n'a pas rapport. Parce que le premier hadith qu'on a lu là-dessus, c'était justement l'exemple de Abu Ayyub al-Ansari, qui mentionnait que lorsqu'ils sont arrivés en Syrie, ou dans la région du Cham, ils ont trouvé des toilettes qui étaient déjà construites dans la direction de la Qibla. Alors il a dit, lorsqu'on utilisait ces toilettes, on se tournait dans l'autre sens pour ne pas faire face à la Qibla. Donc ça c'est l'exemple. La deuxième position, c'est Al-Jama, d'essayer de concilier les hadiths qui semblent être en contradiction. Il dit, Amma al-Jama fahuwa hamlu hadithi Abi Ayyub ala al-karaha وحديث ابن عمر على الجواز وهو مروي عن القاسم بن إبراهيم والهادي وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة وأحمد ويجوز الجمع بحمل حديث أبي أيوب على الصحاري وحديث ابن عمر على البنيان كما تقدم في النسخ. Donc il dit le jam', ceux qui disent le jam', ils prennent le hadith d'Abu Ayyub, le premier hadith, le hadith 12, comme étant détestable. C'est quelque chose, ils disent, c'est pas interdit, mais c'est détestable. C'est-à-dire de faire face à la Qibla ou de faire dos à la Qibla. Ils disent que c'est détestable, tandis que le hadith d'Ibn Omar, ils l'utilisent pour dire que c'est permis. Que c'est permis. Et il dit que c'est rapporté selon Al-Qasim ibn Ibrahim et Al-Hadi. Dit que c'est également une des deux narrations de l'imam Abu Hanifa et aussi de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Ils disent que c'est permis de réunir ou de rassembler, de concilier le hadith de Abu Ayyub et le hadith de Ibn Omar. Ils considèrent que le hadith de Abu Ayyub c'est pour le désert et que le hadith de Ibn Omar c'est pour à l'intérieur des bâtiments. D'accord? Non. Ils prennent chacun des hadiths pour un contexte différent. Et c'est comme ça qu'ils réunissent les deux hadiths ensemble. Ils disent le hadith de Abu Ayyub al-Ansari, Khalid ibn Zayd, ça c'était un hadith qui était spécifique à qu'est-ce qui est dehors, à l'extérieur, dans les endroits déserts. Tu ne peux pas faire face à la Qibla, tu ne peux pas faire dos à la Qibla. Tandis que le hadith de Ibn Omar, lorsqu'ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire dos hein, tourner, faire dos à la Qibla, ils ont dit ça c'est permis à l'intérieur des bâtiments. Donc ce hadith était à propos des bâtiments. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? أما القائلون بالتخصيص فهم يحملون النهي في حديث أبي أيوب على التحريم ويرون أنه محكم أما حديث ابن عمر وجابر فهم يحملونهما على الخصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. Donc il y a ceux qui disent que c'est quelque chose qui était spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire de se tourner vers la Qibla ou de faire dos à la Qibla pour faire ses besoins. Ils disent que ça c'était spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tandis que le hadith de Abu Ayyub al-Ansari, ils le prennent comme étant une interdiction. Puis ils disent que ça c'est le hadith qui est muhkam, donc c'est la position qu'ils prennent, que c'est interdit de se tourner vers la Qibla ou de faire dos à la Qibla dans tous les cas, sauf que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il avait le droit. Il n'a pas mentionné ici que ça c'était la position de qui. Bon, il dit qu'on peut résumer, selon ce qu'on vient d'expliquer, que les positions en réalité sont de 5. Ok, puis on va les nommer, on va les citer une après l'autre, ok. Non, 3 c'est des explications. Ouais, là maintenant c'est les positions qui découlent de ces explications là. D'accord? Parce que si tu regardes les deux premiers, pour le Nasr il y en a 2, pour le Jama il y a 2 aussi, et pour le Tarsis il y en a 1. Donc en tout ça fait 5. Et donc on va les énumérer maintenant comme le Cheikh les a énumérés. Donc il dit والحاصل مما تقدم خمسة أقوال. Donc la première parole, la première position, الجواز في الصحراء والبنيان. Dans la première position, c'est que c'est permis de faire ses besoins et de se tourner vers la Qibla ou de faire dos à la Qibla, que ce soit dehors ou à l'intérieur dans les bâtiments. Donc il y a une position chez les ulama, c'est celle-là, que c'est permis de se tourner ou de faire face à la Qibla, de faire dos à la Qibla à l'intérieur des bâtiments ou bien dehors, c'est la même chose. La deuxième position, al-man'u fi as-sahara ou fi as-sahari wal-jawaz fi al-bunyan. La deuxième position, c'est de dire dans les endroits déserts c'est pas permis dehors, mais dans les bâtiments c'est permis de faire face ou de tourner le dos à la Qibla. La troisième position, ijazatu l'istidbar faqat fil bunyan. Troisième position, c'est celle qui dit que c'est permis de faire dos à la Qibla seulement à l'intérieur des bâtiments. D'accord, ça c'est la troisième position. والرابع كراهة الاستقبال والاستدبار في الصحاري والبنيان. C'est-à-dire la quatrième position, c'est que c'est pas quelque chose d'interdit, c'est détestable de se tourner ou de faire dos, de faire face ou de faire dos à la Qibla dans les endroits déserts dehors ou bien à l'intérieur des bâtiments, c'est détestable. Et la cinquième position, تحريم الاستقبال والاستدبار في الصحاري والبنيان. C'est-à-dire l'interdiction de faire face ou de tourner le dos dans les, à la Qibla dans les déserts ou dans les endroits à l'intérieur comme dans les bâtiments. Donc on a vu, donc ça fait 5. Donc la première et la cinquième, c'est 2 opposés. Puis après, bon, il y a des nuances, chacun des deux. Wa aqrabuha ila al-haq. Donc, Cheikh Ahmed al-Najmi, il explique c'est quoi pour lui la position qui est plus proche de la vérité. Voici ce qu'il dit. Aqrabuha ila al-haq al-thani wa al-rabi'a. Walakin, يرجح الثاني لأن تفسير الصحابي راوي الحديث فيما رواه عنه مروان الأصفر. Donc il dit que les plus proches de la vérité sont la deuxième et la quatrième, mais la plus proche c'est la deuxième parce que c'est l'explication d'un sahabi qui est le rapporteur de ce hadith, de ce qu'il a rapporté, et celui qui l'a rapporté de lui c'est Marwan al-Asfar. Donc il dit que la position la plus correcte c'est la deuxième. C'est quoi la deuxième position qu'on a dit? C'est que dans des endroits dehors, déserts, c'est pas permis, mais qu'à l'intérieur, dans les bâtiments, c'est permis de se tourner ou de faire face ou de faire dos à la Qibla. Ça, c'est, selon lui, c'est la position la plus correcte. C'est-à-dire, si tu es dehors, tu peux pas faire face. C'est-à-dire que dans cette position-là, la position numéro 2, c'est l'interdiction, quand tu es dehors, de faire face ou de faire dos à la Qibla. Mais à l'intérieur, oui, dehors, tu as la possibilité, c'est-à-dire tu peux te tourner dans n'importe quelle direction. Tandis qu'à l'intérieur, des fois, tu peux oublier, ou bien si les maisons sont construites avant, puis que la direction de la toilette était déjà construite incorrectement, dans direction de la Qibla, donc dans ce cas-là, c'est plus compliqué. Tu vois? Al-Rajih al-Marjouh, c'est comme si tu mets quelque chose sur une balance. On va dire que tu as une balance avec deux mains. Tu mets quelque chose qui est lourd d'un côté, puis l'autre côté, tu mets un affaire léger. Donc, qu'est-ce qui va pencher? C'est Al-Rajih. Al-Rajih, c'est quoi? C'est le plus lourd. Et Al-Marjouh est plus légère, donc. Et c'est lui qui est dépassé. Donc c'est la même chose. Quand tu dis Rajih, parmi les paroles des ulama, tu dis cette parole-là, c'est la parole qui est Rajih. C'est-à-dire c'est elle qui a le dessus, qui est plus lourde. Et Al-Marjouh, c'est celle qui est plus légère. C'est-à-dire celle-là, tu n'es pas obligé de. C'est-à-dire c'est elle qui est pas proche, yani, de la vérité, qui est moins proche de la vérité. Oui, des fois, tu es capable de voir la position la plus proche de la vérité selon les preuves et tout. Mais des fois, c'est plus subtil, c'est plus difficile. Ouais. Tandis que lui, bon, il y a divergence. Hein. Même Cheikh Al-Albani, lui, il n'est pas d'accord avec cette position-là. Cheikh Al-Albani, il dit « Fi tafsir al-sahabi wa fahmihi hujjatun idha lam yu'arid fahm ghayrihi » ونجد هنا أن أبا أيوب قد فهم أن النهي مطلق ولذلك كان ينحرف في البنيان ويستغفر الله ثم كيف لا يكون القول الرابع بل الخامس أقرب للصواب والقصد من النهي هو احترام الجهة لا استقبالها احترام الجهة التي يستقبلها المصلي في البنيان والصحراء فكما أنه لا فرق في وجوب استقبال لا فرق في وجوب الاستقبال في الصلاة فكذلك ينبغي أن يكون وليس هناك فرق في النهي عن الاستقبال ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن التفلي تجاه القبلة مطلقا في مثل قوله من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه فإذا كان هذا حال من تفلى إلى القبلة فكيف يكون من يبول إليها. Donc qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit Cheikh Al-Albani, lui il n'est pas d'accord que la position correcte c'est la deuxième, que c'est permis, yani, que c'est interdit de se tourner ou de faire dos à la Qibla dans les endroits déserts dehors, mais que c'est permis à l'intérieur. Il dit, yani, c'est vrai si c'est l'explication du sahabi qui a donné l'explication du hadith et que sa compréhension n'a pas été opposée par quelqu'un d'autre. Mais il dit ici, tu vois qu'Abu Ayyub, il a compris l'interdiction totale. Et c'est pour ça qu'à l'intérieur des bâtiments, ils se tournaient et ils demandaient pardon à Allah. Donc, comment, yani, ce ne serait pas le cas, puisque, yani, comment on pourrait dire que la position qui est plus correcte, qui est rajih, ce ne serait pas la position numéro 4, ou même la numéro 5, hein, qui serait plus proche de la vérité. Il dit pourquoi? Parce que l'obligation de respecter la direction de la qibla, c'est pour tout le monde. Hein? Même pour celui qui prie, quand il prie, qu'il prie dehors ou à l'intérieur, c'est la même chose, il n'y a pas de différence. Tu dois te tourner vers la qibla quand tu fais la salat, que tu sois en dedans ou que tu sois dehors. Donc, Cheikh Al-Alban, il utilise ça comme un argument. Il dit, si quand tu fais ta salat, tu dois te tourner vers la qibla, tu n'as pas d'excuse quand tu es à l'intérieur, tu ne vas pas te tourner vers la qibla. Ou bien quand tu sois dehors, que tu ne vas pas te tourner vers la qibla. Donc, il dit c'est la même chose. Il y a un hadith, c'est vraiment un hadith qui est fort. Il est rapporté par Abu Daoud et Ibn Hibban dans son Sahih, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui crache en direction de la qibla, il va arriver au jour de la résurrection et son crachat sera entre ses deux yeux. Donc ça, c'est le cheikh, il dit ça, c'est interdit de façon générale. Donc il dit quoi? Il dit ça, c'est pour celui qui crache dans la qibla. Alors que dire de celui qui urine dans sa direction? Donc Cheikh Al-Albani il a toujours des arguments que quand tu le lis, tu dis je sais plus quoi dire après. Non, il était très... Non, c'est exactement. Non, il est... Exactement. Non, Cheikh Al-Albani, il est très intelligent aussi, subhanallah. OK. Donc maintenant qu'on a clarifié ça, on va retourner maintenant au sharh de Abdullah Al-Bassam. On est rendu à qu'est-ce qu'il explique lui? Il dit اختلف العلماء في حكم استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة فذهب إلى التحريم مطلقا راوي الحديث أبو أيوب ومجاهد والنخعي والثوري ونصر هذا القول ابن حزم وأبطل سواه من الأقوال في كتابه المحلى وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وقواه ورد غيره من الأقوال في كتابيه زاد المعاد وتهذيب السنن. Donc, ça c'est ceux qui ont la même position que Cheikh Al-Albani. C'est la première, il dit, en ce qui concerne la divergence d'opinion au sujet de se tourner vers la Qibla ou de faire dos à la Qibla pendant qu'on fait nos besoins, il dit qu'il y a des ulama qui sont allés vers la position que c'est interdit de façon absolue, en tout temps. C'est-à-dire, peu importe que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, tu ne peux pas te tourner vers la Qibla ou faire dos à la Qibla. Et ça, c'est rapporté selon, dans le hadith d'Abu Ayyub, hadith 12 qu'on a lu, et c'est rapporté également cette position selon Mujahid, selon Al-Nakha'i, hein, c'est probablement Ibrahim Al-Nakha'i, Sufyan Al-Thawri, hein, qui sont des imams parmi les imams des salafs, et il dit que Ibn Hazm, Al-Andalusi, il a lui aussi supporté cette position. Et Ibn Hazm, il fait partie des Zahiri, de ceux qui suivent le mazhab de l'imam Daoud al-Zahiri. Et il dit, wa abtala siwah, il a considéré dans son livre Al-Muhalla que les autres positions sont fausses. Les autres positions, lui, il considère qu'elles sont fausses aussi. Donc pour lui, c'est que c'est interdit, en dedans et dehors, peu importe yani, la situation. Et Ibn Taymiyyah, lui aussi. Il a la même position. Ibn Taymiyyah, Cheikh l'Islam, c'est sa position à lui aussi. Et Ibn al-Qayyim, son élève, lui aussi, c'est la même chose. Il a renforcé cette position-là et il a réfuté toutes les autres positions dans ses deux livres, Zadul Ma'ad et Tahdhib al-Sunan. Donc, c'est une position qui a du poids. Hein? Et il dit que احتج بالاحاديث الصحيحه الوارده في النهي المطلق عن ذلك ومنها حديث ابي ايوب في هذا في هذا الذي معنا. Donc il dit ils se sont basés comme preuve sur les hadiths authentiques à propos de l'interdiction de faire ça, et c'est l'interdiction absolue qui est mentionnée dans le hadith par exemple de Abu Ayyub al-Ansari qu'on a vu tout à l'heure. Et il dit ensuite, وَذَهَبَ إِلَى جَوَازِهِ مُطْلَقًا عروة بن الزبير وربيعة وداود الظاهري محتجين بأحاديث منها حديث ابن عمر الذي معنا. Donc il dit que certains savants ont dit que c'est permis de façon absolue. Parmi eux, il y avait Urwa ibn Zubair, Rabi'a, le cheikh de l'imam Malik, et Daoud al-Zahiri. Et il se base sur les hadiths qu'on a mentionnés. Parmi eux, le hadith de Ibn Omar, qui est le hadith numéro 13 qu'on est en train de lire. Il dit, mais, il dit, « Wa zahab al-a'imma, Malik, wa Shafi'i, wa Ahmad, wa Ishaq, wa huwa marwiyun, an Abdullah ibn Omar, wa Sha'bi, إلى التفصيل في ذلك فيحرمون في الفضاء ويبيحونه في البناء ونحوه وهذا هو المذهب الحق الذي تجتمع فيه الأدلة الشرعية الصحيحة الواضحة. Donc ça c'est, ensuite il dit il y en a d'autres imams comme l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad et l'imam Ishaq, Ishaq ibn Rahuya, et eux, ils disent quoi? Ils se basent sur le hadith qui est rapporté par Ibn Omar, yani, qui dit qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire dos à la Qibla, hein, donc il se basait sur ça. Et il dit également que c'était la position de Ash-Sha'bi. Ash-Sha'bi, un autre parmi les grands savants des salafs. Eux, ils ont dit, il faut détailler. Ils ont dit, quand tu es dehors, c'est pas permis de se tourner vers la Qibla ou de faire dos à la Qibla, mais quand tu es à l'intérieur, c'est permis de se tourner ou de faire dos à la Qibla. Donc ça, c'est la position de ces imams-là. Donc lui, on voit ici, il a divisé en trois positions. Okay? Il a résumé ça en trois positions. Après, il dit que pour lui, la position vraie, c'est celle-là. Qu'il distingue entre dehors et à l'intérieur. Et ça, c'est la position numéro 2 qu'on a vue dans les paroles de l'imam Ahmed al-Najmi tout à l'heure, que lui disait que ça c'était la position la plus correcte pour lui, hein? Ça c'était c'est la position de la majorité des savants, c'est cette position là mais Cheikh Al-Albani, on a vu qu'il a réfuté cette position là bon, c'est ça qu'on va mentionner maintenant. Ok, le Cheikh il explique en note de bas de page ici comment on fait pour répondre à ceux qui ramènent le hadith du prophète sallam, quand Ibn Omar a dit j'étais sur le toit, j'ai vu le prophète sallam qui faisait dos à la Qibla ou qui faisait face à la Qibla. Qu'est-ce qu'on dit à ce hadith là donc en note de bas de page, il dit ici thumma dhahara lana khilafa dhalik, c'est-à-dire nous ensuite on a vu le contraire de qu'est-ce que on avait jugé par rapport à ça comme étant la position la plus forte, c'est-à-dire de distinguer entre le fait de le faire dans le désert ou à l'intérieur. Il dit, on a vu que c'était pas nécessairement celle-là qui était correcte. Il dit, wa huwa anna hadith Abi Ayyub qawl wa hadith Ibn Umar fi'l wa al-qawl muqaddam 'ala al-fi'l bil ittifaq. Donc le cheikh il dit, on a vu que le hadith d'Abu Ayyub qu'on a mentionné, que le hadith 12, c'est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que le hadith 13, le hadith de Ibn Omar, c'est une action du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours précédence sur l'action du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, tous les savants... Oui, ça, c'est un rapport. Oui, Ibn Omar, qu'est-ce qu'il a vu quand il était sur le toit? C'est l'action du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que Abu Ayyub al-Ansari, qu'est-ce qu'il a ramené? C'était la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours précédence sur une action. Hein? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait ses besoins, on ne sait pas pourquoi il avait le dos tourné à la Qibla. Il y a peut-être une explication. Ou il y a peut-être qu'il avait oublié. Hein? Ou des choses de ce genre. Donc la parole est la précédence. Précédence. Et les savants sont d'accord là-dessus. Après, qu'est-ce qu'il dit? Sur la parole a toujours précédence sur l'action. Il dit ma atatarruq al-ihtimal, ihtimal li hadith Ibn Omar, amma hadith Abi Ayyub فصريح عام لا يقبل الاحتمال. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Le hadith de Ibn Omar, il y a plein de suppositions dans ce hadith. Parce qu'il était sur le toit et c'est arrivé comme ça par coïncidence qu'il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dos tourné à la Qibla en train de faire ses besoins. Il y a plein de possibilités. Peut-être qu'il n'avait pas, il avait pas pensé. Peut-être qu'il a, il a, hein, peut-être qu'il avait oublié. Peut-être que il y a plein de possibilités pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait dos à la Qibla à ce moment-là. Tandis que le hadith de Ayyub, il est clair. Il n'y a pas de possibilité. Yani c'est clair et net. Donc il dit fasarihun am, et c'est clair et c'est général, et il n'accepte aucune يعني autre possibilité. Il dit وقال ابن دقيق العيد بعد ذكر الخلاف في المسألة ونحن là il explique la parole de ابن دقيق العيد, un autre savant, et lui aussi il a un charh de Umdatul Ahkam. Ok, et dans son charh voici ce qu'il dit à propos de cette divergence là. Il dit, après avoir mentionné la divergence, il dit نحن ننبه هنا إلى أمرين أحدهما أن من قال بتخصيص هذا الفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم له أن يقول إن رؤية هذا الفعل كان أمرا اتفاقيا لم يقصده ابن عمر ولا الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة يتعرض لرؤية أحد فلو كان يترتب على هذا الفعل حكم عام للأمة لبينه لهم بإظهاره بالقول أو الدلالة على وجود الفعل فإن الأحكام العامة للأمة لا بد من بيانها فلما لم يقع ذلك كانت هذه الرؤيا من ابن عمر على طريق الاتفاق وعدم قصد الرسول صلى الله عليه وسلم دل ذلك على الخصوص به صلى الله عليه وسلم وعدم العموم في حق الأمة وفيه بعد ذلك بحث. Donc, voici ce qu'il dit, Ibn Daqiq. Il dit, il y a deux choses qu'on veut mentionner par rapport à cette affaire-là. Premièrement, qu'il y en a qui ont dit que ça c'était spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux qui ont dit que c'était spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disent que cette action, c'était spécifique. Hein? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait cette action-là, et c'était une coïncidence. Que Ibn Omar l'a vu, et c'était une coïncidence aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit dans cette situation-là, ou dans cet état-là. Parce que personne d'autre que Ibn Omar ne l'a vu à ce moment-là. Donc, si c'est quelque chose qui devait impliquer que c'était un verdict général pour la Umma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait l'expliquer et devait mentionner ça ouvertement pour que les gens le sachent, hein, puisque c'était quelque chose qu'il faisait qui était caché, hein, qui était privé, que les gens n'allaient pas voir. Donc si c'était quelque chose qui devait être général pour toute la Umma, il fallait qu'il le dise ouvertement. Parce que les règles générales pour la Umma, il faut absolument qu'elles soient clarifiées. Et puisque la clarification n'a pas été faite, hein, et que c'est uniquement Ibn Omar qui l'a vu à ce moment-là, et que c'est pas quelque chose qui était prévu, c'est quelque chose qui est arrivé par coïncidence, hein, et que ça n'a pas été voulu non plus du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc dans ce cas-là, ça prouve que c'est quelque chose qui est spécifique et particulier au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et non pas général pour toute la Ummah. Donc, et à ce sujet-là, il y a une recherche à faire aussi sur ce détail-là. Après, le deuxième point, il dit التنبيه الثاني أن الحديث إذا كان عام الدلالة عام الدلالة وعرضه غيره في بعض الصور وأردنا التخصيص فالواجب أن نقتصر في مخالفة مقتضى العموم على مقدار الضرورة ويبقى الحديث العام على مقتضى عمومه فيما يبقى من الصور إذ لا معارض له فيما عدا تلك الصورة المخصوصة التي ورد فيها الدليل الخاص وحديث ابن عمر لم يدل على جواز الاستقبال والاستدبار معا في البنيان وإنما ورد في الاستدبار فقط فالمعارضة بينه وبين حديث أبي أيوب إنما هي في الاستدبار فيبقى الاستقبال لا معارض له فيه فينبغي أن يعمل بمقتضى حديث أبي أيوب في المنع من الاستقبال مطلقا لكنهم أجازوا الاستقبال والاستدبار معا في البنيان وعليه هذا السؤال انتهى كلامه ولبحثه بقية. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله لا فرق بين البنيان والفضاء. الأصحاب وطائفة كثير من أهل الحديث استثنوا ما في البنيان جمعا بين حديث أبي عمر وغيره، ولكن التحقيق في المسألة أن لا فرق بين البنيان والفضاء لعموم الأدلة الكثيرة المطلقة التي لم تستثني شيئا. أما حديث ابن عمر فلا يصلح أن يطلق هذا الإطلاق. نعم فيه الاستدبار وليس فيه الاستقبال، وليس بينهما شيء من المعارضة، ما بقي إلا الاستدبار. فإذا قيل تقولون بجوازه في البنيان ومنعه في الفضاء، قيل هذا فعل، وأما حديث أبي أيوب ونحوه قول، والقول معمم التشريع وليس في حق أحد دون أحد، بخلاف ما كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، فإنه يحتمل الاختصاص، ومما يدل على هذا قول أبي أيوب فننحرف عنها ونستغفر الله، ولم يقل فأنحرف، وقد بسط ذلك أو بسط ذلك ابن القيم في حواشيه على السنن. قلت ومما تقدم يتضح أن الجمع بين الأحاديث غير ملائم، وأن الصواب الذي لا شك فيه هو تحريم الاستقبال والاستدبار مطلقا في البنيان والفضاء، والله أعلم. Donc c'est ça. Le deuxième point que Ibn Daqiq al-Aïd a mentionné, c'est en fait, il utilise plusieurs termes, un peu plus compliqués, mais qu'est-ce qu'il veut dire? C'est que dans le hadith de Ibn Omar, il y a quelque chose qui est en contradiction avec le hadith de Abi Ayyub de façon particulière, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on voit comme contradiction, c'est le fait qu'il fait dos à la Qibla, mais on ne le voit pas faire face à la Qibla dans ce hadith-là. Donc c'est la preuve qu'il a opposé le premier hadith juste dans un aspect, non pas dans les deux. Et donc il dit dans ce cas-là, eux, il y en a qui permettent de faire les deux, de se tourner et de faire dos à la Qibla dans ces questions-là, alors que ce n'est pas mentionné dans le hadith. Ça, c'est un point qu'il mentionne. Puis après, il cite la parole de Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh, qui lui dit, ça c'est le Sheikh de Sheikh bin Baz, avant, le mufti qui était avant Sheikh bin Baz, c'est le Sheikh de Sheikh bin Baz aussi. Il dit, il n'y a pas de différence entre le fait de faire nos besoins à l'intérieur des bâtiments ou à l'extérieur. Et il dit que, les savants du madhab et les ulama et un grand nombre des savants des gens du hadith ont considéré que c'était disons une exception à l'intérieur des bâtiments, que c'est exception, que tu as le droit de faire dos ou faire face à la Qibla quand tu es à l'intérieur des bâtiments. Et ils ont dit ça dans le but d'essayer de réconcilier ou concilier entre les hadiths qui semblaient être divergents, le hadith de Ibn Omar et le hadith de Abu Ayyub. Mais il dit que la position correcte après vérification dans cette question-là, c'est qu'il n'y a pas de différence entre le bâtiment et qu'est-ce que tu fais à l'extérieur, à cause de toutes les preuves lorsque tu les réunis ensemble. De façon générale, on voit que c'est clair que c'est, il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de distinction entre ce qui est fait à l'intérieur des bâtiments et à l'extérieur. Et il dit que le hadith de Ibn Omar, quand il était monté sur le toit et qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dos tourné, à la Qibla, il dit on ne peut pas l'utiliser de façon absolue comme preuve. Oui, c'est vrai qu'on l'a vu faire dos à la Qibla, mais on ne l'a pas vu faire face à la Qibla. Et il dit il n'y a pas ليس بينهما شيء من المعارضة. Donc c'est ça. وليس فيه الاستقبال فليس بينهما شيء من المعارضة. Il dit comme on l'a vu faire dos, mais on l'a pas vu faire face à la Qibla, puis il y a rien qui s'oppose entre les deux. Mais il reste la question de faire face à la Qibla. Puisque vous dites que c'est permis de le faire, de se faire face à la Qibla quand tu fais tes besoins à l'intérieur, mais vous l'interdisez à l'extérieur. Alors dans ce cas-là, on vous dit, ça c'est une action. Et tandis que le hadith de Abu Ayyub, c'est une parole. Et la parole, elle est plus générale dans la charia que l'action. Et personne, yani, c'est-à-dire quand c'est une parole, c'est pas quelque chose qui est par rapport à une personne, yani, c'est pas spécifique à une personne en dehors des autres. Hein. C'est général, la parole. Tandis que l'action, eh bien, ça peut impliquer quelque chose de particulier. Et ça, c'est ce qui indique que la position de Abu Ayyub, quand il a expliqué que quand il était arrivé en Syrie ou à Sham, il se tournait quand ils allaient dans les toilettes, parce que les toilettes étaient construites vers la Qibla, il n'a pas dit « je me tournais » et je demandais pardon à Allah. Il a dit « nous nous tournions » et nous demandions pardon à Allah. « Kunna nanharif wa nastaghfirullah » Le fait de dire au pluriel, ça implique que ce n'est pas seulement lui qui faisait ça, mais c'était les sahaba. Donc ça prouve que ce n'était pas sa compréhension seulement de lui, mais que c'était la compréhension des sahaba qui étaient avec lui aussi. Et il dit, et tous ces détails-là ont été expliqués par l'imam Ibn al-Qayyim dans ses commentaires au sujet des sunan. Et le cheikh, il conclut à la fin, donc après avoir réuni donc tous les hadiths, on conclut que la position correcte, c'est de prendre la position qui interdit, l'interdiction de se tourner ou de faire dos à la Qibla de façon absolue, que ce soit à l'intérieur des bâtiments ou à l'extérieur, wallahu a'lam. C'est ça, c'est la position de Cheikh Al-Albani, et puis c'est la position également de Ibn Taymiyyah, Ibn Al-Qayyim et de Cheikh Al-Bassam aussi. Il est revenu sur sa position par la suite. Et c'est aussi la position de Cheikh le Mufti, l'ancien Mufti Mohammed Ibn Ibrahim Al-Sheikh rahimahullah. Donc Al-Rajih, c'est que c'est interdit de façon absolue. C'est ça. C'était le numéro 5. Le numéro 5, l'interdiction. Le numéro détestable. Si c'est interdit, c'est sûr que c'est plus que détestable. Ouais, c'est le numéro 5. Non. Donc il dit, فَإِنَّ التَّحْرِيمُ مُطْلَقٌ. Après, qu'est-ce qu'il dit, Al-Bassam? Si on retourne au texte, parce que c'est presque fini. Est-ce qu'on est rendu? Ok. Il dit, فَإِنَّ التَّحْرِيمُ مُطْلَقًا يُبْطِلُ الْعَمَلُ بِجَانِبٍ مِنَ الْحَادِيثِ وَالْإِبَاحَ مُطْلَقًا كَذَلِكَ وَالتَّفْصِيلُ يُجْمَعْ بَيْنَ الْأَدِلَّةِ وَيُعْمَلُهَا كُلُّهَا وَهَذَا هُوَ الْحَقِّ فَإِنَّهُ مَهْمَ أَمْكَنَ الْجَمْعَ بَيْنَ النُّصُوصِ وَجَبَ الْمَصِيرِ إِلَيْهِ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُنَاكَ قَوْلٌ رَابِعٌ لَا يَقِلُّ عن هذا قوة وهو القول بالكراهة للتحريم قال الصنعاني لا بد من التوفيق بين الأحاديث بحمل النهي على الكراهة للتحريم وهذا إن كان خلافا لأصل النهي إلا أن قرينة إرادته فعله صلى الله عليه وسلم أو إرادته فعله صلى الله عليه وسلم بخلافه للتشريع وبيان الجواز وحمل أحاديث الباب على هذا هو الأقرب عندي وقد ذهب إليه جماعة وبهذا يزول تعارض أحاديث الباب قلنا وعلى كل ينبغي الانحراف عن القبلة في البناء أيضا اتقاء للأحاديث الناهية في ذلك ولما فيه من الخلاف القوي الذي نصره هؤلاء المحققون. Donc yani, qu'est-ce qu'il continue à résumer en fait les différentes positions, ceux qui disent que c'est que c'est, il faut détailler, il faut distinguer entre qu'est-ce qui est fait à l'intérieur ou à l'extérieur et ainsi de suite. Et il dit que le mieux c'est de réunir les textes, ça c'est parce que la note de bas de page il clarifie. Mais dans le texte lui-même, il prenait la position de ceux qui distingue entre qu'est-ce qui est fait à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc il revient à cette, il revenait à cette position-là. Puis il dit qu'il y a une position, la quatrième position, qui est également assez forte. C'est ceux qui disent que c'est pas interdit absolument, mais que c'est détestable de façon absolue. C'est-à-dire dans le sens que c'est quelque chose qui est détestable, pas haram, mais makruh. Donc il dit que ça c'est la position de l'imam As-Sanani. Et il dit que ça c'est une position qui permet de réunir les hadiths et de faire la conciliation entre les différents hadiths qui mentionnent l'interdiction et le fait de dire que c'est détestable, contrairement à l'interdiction. Parce qu'ils disent que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait qu'est-ce qui est contraire à qu'est-ce qu'il a interdit dans sa parole, que ça, ça indique que c'est pas pour l'interdiction, mais le fait que c'est détestable. Et donc il dit que lui, il considère que c'est bien de prendre tous ces hadiths-là. Puis à la fin, il dit, mais de toute façon, de se tourner et de ne pas faire face à la Qibla ou de ne pas faire dos à la Qibla, c'est ce qui est mieux pour éviter, il y en a, de tomber dans l'interdiction de ce qui est mentionné dans les hadiths. Et il y a une divergence très forte à ce sujet-là. Donc la position la plus forte qui a été défendue par les savants qui ont vérifié ces questions-là. Naam. Donc il dit, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith-là? C'est جواز استدبار القبلة عند قضاء الحاجة ويفيد أنه في البنيان والثاني جواز استقبال بيت المقدس عند قضاء الحاجة خلافا لمن كرهه. Donc il dit, il y a deux choses qui peuvent être tirées de ce hadith. C'est premièrement la permission de se tourner, la permission de faire dos à la Kaaba lorsqu'on fait nos besoins, et ça c'est dans les bâtiments. C'est ce que certains savants ont compris de ce texte-là. Puis deuxièmement, la permission de se tourner en direction de Beit al-Maqdis, c'est-à-dire en Palestine, lorsqu'on fait nos besoins, contrairement à ce que certains ont pensé, qui ont dit que c'était quelque chose de détestable. Il n'y a pas de preuve que c'est détestable. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.